cavaliers sont apparus dans le lointain. Toute sa vie, il avait lutté pour les siens. Toute sa vie, mais voilà, c'était la fin. Il est 5h du soir à la sortie de l'usine. Il ne connaît pas l'homme avec sa bravine. Toute sa vie, il avait rêvé d'égalité. Toute sa vie, mais voilà, on l'a brisé. Qui survole le territoire ennemi. Il pense à sa femme et à ses amis. Toute sa vie, il avait voulu être fermier. Toute sa vie, mais voilà, il a sauté. Il sait très bien que demain on va l'arrêter. Toute sa vie il avait lutté pour la liberté. Toute sa vie, mais voilà, on l'a lâché.